La matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien de 18h, bonjour matinalienne, plein de monde dans cette salle puisque c'est déjà notre troisième émission et déjà un public dans la salle qui peut applaudir, on les entend, oui. Le succès qui démarre, ça démarre tout de suite. Alors on peut même les nommer hein, puisqu'on a Vincent et Romain en public et alors qui sont venus sans leurs parents, mais la prochaine fois vous pouvez venir avec vos parents. Et puis nos chroniqueurs fidèles quand ils sont réveillés, à savoir Jocelyn. Salut Jocelyn. Oui, salut Tristan, ça va ? Jocelyn, je crois que ça fait 10 minutes que tu es debout. Ça fait un petit quart d'heure là, ouais, que je me réveille doucement, la caféine fait son effet, je commence à pouvoir prononcer des mots clairs. Audible. Également. James, wow. Ouais, salut. Moi, je suis réveillé depuis hier matin. Et ben, ça, c'est le grand continu. Et on va profiter que tu es réveillé depuis hier matin pour attaquer directement avec le journal parce qu'on a quand même une émission à mener. Et on commence avec, il est 18h passé de quelques minutes, et c'est le journal de la matinale de 18h, présenté par James, Bibi et Jocelyn. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales. Coupe du monde au Qatar, l'apprentissage de l'hymne qatari pose problème aux joueurs. En effet, c'est pourquoi la Fédération qatari de football et l'Émirat ont décidé de naturaliser David Guetta, afin que celui-ci compose un hymne plus facile. L'hymne aurait pour titre... Qatar Fever and Dance and Love. Qatar Fever, Dance and Love. USA, ce qui veut dire États-Unis en français, la loi W. Smith interdit dorénavant de se moquer de la femme de quiconque. Cette loi autorise également quiconque à mettre une baffe à toute personne venant de faire une vanne un peu moyenne. En France, il faudra attendre une autorisation, à savoir le BAFA. Oh, je peux pas m'empêcher. Voilà. C'est le journal, mais je roublardise quand même. On a découvert, oui c'est vrai, écoutez bien cette information parce que c'est une exclusivité Fadjet. On a découvert l'île où se cachent les célébrités soi-disant mortes. Exclusivité Fadjet, effectivement Tristan, Michael Jackson, Elvis Presley ou encore Valérie Giscard d'Estaing parmi les noms qu'on a retrouvés sur cette île. Ils semblent tous mener une petite vie paisible sur cette île qui est située près de la Corse. Près de la Corse, endroit où personne n'avait pensé chercher. On a pu également y apercevoir Gérard Depardieu venu y faire des repérages. Il prévoit peut-être... C'est son côté prévenant, voilà. Effectivement. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Et on commence avec un conseil jardinage pour éviter le gel de ses pieds de cannabis. Que doit-on faire, Jocelyn ? Pour nos amis à la main verte, nous avons quelques petits conseils. Enfin, surtout un petit conseil, ça serait en effet une étude sérieuse publiée dans le BEMAG. Chanter du Shakira aiderait les racines à se protéger du froid. Les notes mucho caliente de la chanteuse ne partiront donc jamais en fumée. Et un petit coucou à nos confrères du magazine BEMAG. Mais oui, BEMAG, merci à vous. Et un coucou à Shakira aussi, de ma part. Oui, ah, tu la connais. Oui. Bon, réponds à mon SMS, s'il te plaît. Ok, c'est un petit message. D'accord, c'est un petit peu osé. La SNL vend ses joueurs sur le bon coin avant la descente en national. C'est ce qu'ont annoncé les présidents du club après une réunion avec des actionnaires. Le premier joueur se vend à partir de 433€. 433€, et c'est un bon prix pour autant. C'est un très bon prix, mais la livraison n'est pas incluse. Ciré-sur-Vesouz a été sélectionnée pour être la candidate de la région Grand Est du concours Le village le plus dépressif de France. Et oui, et encore une fois, c'est dans le Grand Est. Ciré-sur-Vesouz est la ville consommant le plus d'antidépresseurs par habitant, soit environ plus de 45 boîtes par foyer. On pense à vous. L'avantage, c'est que les pieds de cannabis ne gèlent pas là-bas, je crois. Il paraîtrait. On passe tout de suite. Merci pour ce Flash Info. On se retrouve pour le prochain Flash Info à peu près vers 18h30. Tout de suite, la météo. La météo. Aujourd'hui, sur Nancy, du ciel et peut-être même un sol. Donc pourquoi pas sortir, profiter du sol et regarder le ciel. Et j'ai cru voir des chiffres dans le ciel. Oui, un 22 sur Vesoul pour y revenir. Voilà. Et un petit 8 sur Nancy. Voilà, si vous levez les yeux au ciel, vous pourrez voir un 8 dans le ciel de Nancy, effectivement. Nous sommes un 14 avril, c'est bien ça, James, je te vois sur ce Absolument, nous sommes un 14 avril. Qu'est-ce qui s'est passé un 14 avril? On va le se voir après Billie Jean. Allons le se voir. Michael Jackson, Billie Jean, see you there. Michael Jackson. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. C'est pas vrai. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Nous sommes un 14 avril et qu'est-ce qu'il s'est-tu passé un 14 avril? James, tu nous racontes tout. Alors, 14 avril 1527. J'étais voilà, juste ça, j'étais pas né non plus. Non. Mais en fait, il y a un homme, François 1er, roi, un élu, un homme de qualité, qui est descendu pour la deuxième fois de sa vie à Paris. Voilà, c'était son petit week-end à Porry, on dit. D'accord. Voilà, pour faire référence. C'est fou ça, et c'est arrivé un 14 avril. Un 14 avril, exactement. C'est la deuxième fois. C'était uniquement la deuxième fois. Le gars avait autre chose à faire. Ça le regarde. Parce que je ne veux pas rentrer dans sa vie privée. Non, ouais, ouais. Voilà. 1865. Ah oui, ça c'est un petit peu plus triste quand même. 1865, Abraham Lincoln est décédé. En fait, c'était la veille de son décès, puisqu'il s'est pris une balle par un mec. Bravo. Merci pour Bravo, beaucoup de respect pour ces gens-là. Ouais. Voilà, niveau des naissances, les naissances. Alors, qui est né un 14 avril? Sacha Distel. Non, on n'est pas loin. C'est en fait un acteur que je ne connais pas, mais qui a l'air connu, qui s'appelle Adrien Brody. Ça vous parle ou pas non, du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Adrien Brody. Je me suis dit, je vais le mettre, ils vont Brody. Connaître à fond. Adrien Brody. C'est un beau gosse, un peu, voilà. Quelqu'un que je connais, par contre, c'est Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar. Mais c'est Buffy contre les vampires. Ah oui. Quoi? Mais ça existe ça? Ouais, je sais que ma mère regarde. Non, qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est un film ça? Mais non, mais c'est une série. Ah ouais, d'accord. Mais c'est une série qui a bercé les soirées de nos auditeurs. Ouais. Tous nos auditeurs sont là genre ah ouais, trop bien, Sarah Michelle Gellar, j'adore ce gars et j'adore cette dame et j'adore cette chronique. D'accord. Voilà. Et aussi Norman pour les plus jeunes quand même. Norman, voilà, le youtubeur, tout le monde là. Peut-être voilà, tout le monde là aussi. Voilà, bien sûr. Ça c'est voilà les naissances et les décès. Alors j'ai un seul décès. Ah, ils sont nés dans le même décès. Jour et... Ah non, je pensais que c'était les naissances et les décès en même temps. Non, en fait, non. C'est les morts-nés. Si tu veux, j'ai structuré ma chronique en trois étapes. Okay. D'abord les événements, ensuite D'accord. les naissances et enfin les décès. Ok. Mais attends, mais Abraham Lincoln, il est mort. Oui. Oui, mais en fait, c'était pas le jour de sa mort, le 14 avril, c'était le jour où il s'est fait tirer dessus. Il est mort le lendemain, il a succombé de ses blessures le lendemain. D'accord, ok. C'est quand même un événement. Que Abraham Lincoln, qui était le patron, s'est fait tirer dessus. Quand même. Ouais, donc on en parlera demain, à la chronique de demain. Exactement. Le jour où il est mort. Exactement. Voilà. Et donc en décès, il y a l'ami Simone de Beauvoir en 86. Ah oui. Et en fait, elle, c'était, pour les plus jeunes, peut-être vous expliquer, c'était le plan cul régulier de Jean-Paul Sartre. C'est une femme qui faisait, voilà, qui faisait... Ah, ça fait rire. Non, hein. ça fait rire le public. Hein. Non, mais en fait, elle était dans le. Son truc, c'était l'existentialisme. Ah oui. Voilà. Bon, Jocelyn va peut-être expliquer rapidement ce que en c'est fait, l'existentialisme. C'est la volonté d'exister et de, par tous les moyens, prouver qu'on existe. Alors, je précise juste qu'on vient de perdre nos derniers auditeurs sur cette D'accord. chronique-là. Pardon. Alors, si, elle a dit des trucs cool quand même. Elle a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Voilà. Voilà. Globalement, ça avait l'air d'être une fille cool, quoi. Enfin, franchement, moi, je me suis dit. Ouais. Et aussi un homme vu rapidement, un homme mort, bien sûr. Qui s'appelle. Ah non, attends. Vas-y, dépêche-toi. Bernard Madoff en 2021. Vite. Bernard Madoff. Voilà. Oui, la banque. Chroniqueur. Voilà, 150 ans de prison, donc il est toujours en train de purger sa peine. Et même aussi, s'il est mort. C'était important de le dire quand même. Aujourd'hui, c'est le nouvel an bengali au Bangladesh. Ouais. Voilà, le Poela Baksa. Et donc, ça me donne le dicton du jour. Ah parfois, tu crois que t'es riche et que tout va bien. Et puis, d'un coup, Bangladesh. Waouh, ça, c'est existentialiste. Voilà, j'ai dû un peu me dépêcher vers la fin, mais gros salut à nos amis du Bangladesh qui nous écoutent nombreux. Et ça se termine juste au buzzer. Ah, et ça se termine au buzzer. Merci beaucoup, James, pour cette éphéméride de tout ce qui s'est passé un 14 avril. On revient pour l'horoscope. Là sera l'horoscope de Vincent qui est du signe du lion, mais ça, c'est après. C'est un choix de Vincent d'ailleurs, cette musique-là. C'est pour Vincent. Dream, Midnight City. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. Oui, avant de se retrouver pour l'horoscope, on part tout de suite à Coincourt. Coincourt qui est au-dessus de Nomni pour le fameux, la très grande course connue internationalement de tout le Lunévillois des 24 heures de Coincourt. Et nous avons Serge. Oui, oui, bonjour Tristan, bonjour oui. À tous. Alors effectivement, vous entendez peut-être derrière moi les moteurs vrombir hein, des 24 heures. Alors on est un peu avant le départ, là on est aux premiers essais. Je vois beaucoup de participants, une vingtaine de personnes sont là dans le public. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une belle fête à Coincourt. Le maire. 20 personnes, ah oui, quand même. Oui, oui, c'est. Voilà, hein, je vous l'avais dit, c'est un gros, gros événement cette année, encore une fois. Le maire de Coincourt est là. Le maire est là, il a découpé le ruban, hein, qui matérialise le début. C'est vraiment. Voilà, on a très hâte de suivre ça pour Fadjet en exclusivité, hein, évidemment. On se retrouve après le journal pour le début de la course à proprement parler. Très bien, hein, à tout à l'heure, Tristan. À tout à l'heure. L'horoscope de 18h sur Fadjet. C'est l'horoscope du 14 juillet, avril, et nous avons pris quelqu'un du public. Comment t'appelles-tu, Vincent ? Vincent, oui, on entend à peine. Et Vincent est du signe du lion. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on fasse l'horoscope de cette personne du public, hein, si vous êtes tous d'accord. Bah écoutez, pourquoi pas. Et je vais vous demander d'interpréter cet horoscope tiré du mardi 5 avril, mais on va dire qu'on est le 14 avril. Alors, Lion, travail, des imprévus contrariants, point. Je ne sais pas si déjà là vous voulez intervenir. Imprévus contrariants, moi je pense tout de suite à envie présente. Oui, oui, peut-être une gastro ou quelque chose comme ça, hein, dans ton travail. Parce que ton travail, c'est lié à l'intestin, je pense. C'est ça, oui, c'est ça. Je peux vous dire qu'il opine du chef. Tu peux te lever et te rapprocher du micro, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi prendre la parole pour moi. Regarde, on peut partager ce micro-là. Et alors là, j'enchaîne avec la deuxième phrase. Accordez-leur une attention raisonnable et tout rentrera ainsi dans l'ordre. Donc là, on est vraiment sur une notion de transit qui va s'apaiser dans la journée. Si on leur accorde un peu d'attention. Voilà, c'est ça. Parce que je ne sais pas si tu accordes vraiment beaucoup d'attention à ton transit intestinal. Tu as mangé quoi ce matin ? Alors ce matin, j'ai mangé du lait. Du lait Du lait. Mais il n'y a rien de pire en termes de digestion, le lait. Oui, bah, c'est ça. Non, mais si tu penses à ton transit, oublie les produits laitiers. Mais l'horoscope ne dit pas des bêtises. J'enchaîne sur amour. Compréhension totale avec votre partenaire. Alors effectivement, Romain est là. Et excellente journée et soirée en perspective. Moi je pense que là... ça sent le petit dîner aux chandelles, tout ça, petite coupette. Alors moi je dirais, gourmand. Je poserais juste une question. Romain, heureux ? Très heureux. Très heureux, tu vas passer une bonne soirée avec Vincent. C'est vraiment magnifique. Et c'est grâce à qui ? C'est grâce à Fadjet, la matinale de 18h, que vous êtes là tous les deux dans cette pièce, puisque vous ne vous connaissiez pas avant, on peut le dire. C'est le date de 18h. Le date de 18h, mais attention quand même, hein, parce que santé, bougez plus. Mais bon, je pense que ce soir, ça va bouger. Ils sont quand même pas foulés, ils ont repris un espèce de slogan. Tu vas voir, sur les autres signes, c'est genre manger 5 fruits et légumes par jour ou des trucs comme ouais. ça. Ouais, en partenariat avec mangerbouger.fr. Voilà, exactement. C'est pas faux. Mais voilà, donc, pense à ton transit et ce soir, bonne soirée avec Romain, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et d'ailleurs, et ben ça tombe bien parce que c'est une musique que a choisi Romain, hein, puisque Romain est aussi partie intégrante du public. Et tout de suite après, c'est quoi ? Ben c'est l'invité politique. L'invité politique, le monsieur Langue de Bois, qui s'appelle comment déjà, James ? Christophe Ondelat. Christophe Ondelat. Comme le journaliste, mais c'est un homonyme. D'accord, ok. Voilà. Christophe Ondelat bis. Voilà. Voilà. Oh. And the beat goes on. See you later. On the Whispers. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Ouais bah voilà. L'invité politique de 18h sur Fadjet. L'invité politique de 18h, c'est Jocelyn qui nous le présente. Jocelyn, je te laisse avec notre invité très spécial. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour. Christophe, c'est le champion de Lorraine de la langue de bois dans les grosses lignes. Qu'est-ce que c'est être champion de Lorraine de langue de bois? Expliquez-nous, monsieur. Bah écoutez, être champion de Lorraine de langue de bois, c'est avant tout quelque chose que je fais, que j'ai fait dans ma vie, mais qui est également arrivé dans la vie de chacun de ceux qui n'ont pas réussi à le faire. Et par conséquent, lorsque j'ai été champion de Lorraine et lorsque les autres ne l'ont pas été, nous avons tous vécu un moment commun qui nous a fait être ensemble et vivre ensemble. Ah oui, d'accord, très bien. Et donc, bon, là, je pense que tout le monde a saisi de quoi il s'agissait, mais vos passions, Christophe, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment vous vivez? Comment au quotidien vous vous entraînez? J'ai envie de savoir tout ça. Expliquez-moi. Écoutez, pour vous répondre, tout simplement, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais vous le dire de but en blanc parce que, voilà, on aurait pu, face à des questions personnelles comme ça, on pourrait se décider, voilà, je vais noyer le poisson, je ne vais pas répondre directement. Mais c'est un peu ce que vous faites quand même, excusez-moi. Bien sûr, je le fais, mais à la fois, je le fais avec une telle maîtrise qui fait qu'en fait, lorsque je ne réponds pas à une question et que je tourne autour du sujet, finalement, je fais finalement des cercles qui vont répondre de manière indirecte à la réponse, à la question qui m'a été posée. Et par conséquent, lorsque je fais ce qui est mon travail et ce qui est ma passion, eh bien, en fait, je deviens la question. Et donc, je suis la réponse. Vous comprenez ? Oui. Je vois, vous êtes très amusé, vous êtes très, voilà, je comprends bien. Christophe, l'émission c'est courte, mais je voulais juste quand même de parler de votre livre que vous sortez aux éditions Bois de Langue, intitulé... Mon livre c'est « Écrire, parler et penser ». D'accord, donc vous avez écrit ce livre en parlant ou plus en pensant, monsieur Christophe ? Mais écoutez, je l'ai écrit surtout pour les gens qui me demandent toujours les questions que vous venez de me poser. Et donc, en gros, je vous ai lu le chapitre 1, tout très simplement. Bien. Voilà. Écoutez, on va terminer juste avec votre avenir proche. Qu'est-ce que vous avez comme actualité ces temps-ci ? Mais écoutez, je vais aux championnats de France, les championnats de France de langue de bois. Voilà, vous allez voir des cadors, hein, évidemment. Vous allez voir, bon, on parle évidemment, Emmanuel Macron sera là. Il y aura pas mal de gens... bien connu. Très bien. Le stress. Très bien. Un peu de stress, un peu de... Voilà. Bon, on se prépare. Hein. Je ne sais pas si on a appris grand-chose de cette interview, mais au moins, vous avez eu le mérite de détourner toutes les questions qui vous ont été posées. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci, Jocelyn. Le temps presse. Hein, et c'est bientôt le journal, juste après Stromae, l'enfer. À tout de suite. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. L'enfer. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. J'adore. Il est 18h30 et choses comme ça. C'est le journal présenté par Jocelyn James et Bibi. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales. Lobbying. Le syndicat agricole, la FNSEA, serait à l'origine de la guerre en Ukraine dans l'unique but de faire augmenter le prix de la tonne de blé. Et oui, le syndicat agricole a donc dû changer pas mal de ses statuts et se fera désormais appeler FNSCIA pour refléter son envergure internationale. Après Airbus qui vole à l'huile de friture, Buitoni vient de tester une recette de frites au kérosène. Une recette authentique qui transcende les sens, selon la marque d'agroalimentaire. C'est un jeu de mots. On dénombre cependant déjà 18 incendies suite à des incidents de cuisson partout en France. Très bien. Attention en faisant cuire ce nouveau modèle de frites. Voilà, un nouveau modèle de frites qui marche très bien. Résultat de la course hippique hier à l'hippodrome du Vatican. C'est le numéro 21, Tempête dans l'Hostie, qui l'emporte devant le numéro 5, Sacristis aussi. C'est le numéro 2, Ligne de Mitre. Le favori, le numéro 3, Enfant de Cœur, était non partant. Ah, malheureusement. Merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Vous voulez peut-être éternuer avant ? Pas du tout. Non, pas du tout. Le fast-food Five Guys à Nancy, qui a fermé, va être remplacé par le restaurant Fünf Tippen. L'entreprise italienne Fünf Tippen pense avoir révolutionné le monde du burger et donc attirer les clients manquants du Five Guys. Un burger sans pain serait peut-être annoncé. Et toujours gastronomie, un kebab gastronomique ouvre ses portes rue des Dominicains. Et oui, un suprême de dinde aux épices grillées sur une broche accompagne de sa salade croquante, de ses tomates gourmandes ainsi que de beaux oignons juteux. Le tout glissé dans un pain moelleux. Chef, ne recherchez-vous pas chez Vincent, à Rissa Blanche, rue des Dominicains, le meilleur kebab de Nancy. Chez Vincent, on retient l'adresse. Et enfin, dimanche prochain aura lieu le premier semi-marathon du Pâté Lorrain dans les rues de Nancy. C'est le dimanche 10, non pas 10, beaucoup plus tard. Oui, c'est le 17, qu'aura lieu ce marathon. Le but, suivre un itinéraire menant à 21 boulangeries où dans chacune d'entre elles, le sportif devra manger entièrement un véritable Pâté Lorrain. Sans serviette, pas facile. Et c'est ça qui est vraiment très compliqué, c'est sans serviette. On sait tous que le pâté lorrain glisse sans serviette. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens du monde entier qui viennent concourir sur ce semi-marathon. On attend environ 500 personnes et les boulangeries sont aux abois. Aux abois. Merci beaucoup pour ce dernier Flash Info. On passe tout de suite à la météo. Bien sûr. La météo. La météo aujourd'hui est en partenariat avec le site mangerbouger.fr. En effet, malgré le temps maussade, sale, pluvieux, froid et grisonnant, nous vous conseillons de sortir, courir un petit peu, bouger plus comme les lions. C'est vrai, les lions, oui, Vincent. On en reparle. C'est la météo qui le dit, c'est pas moi. Donc nous attendons un petit 8 à Nancy, 23 à Vézouze. Le soleil grimpe. Mais ne descendra pas à Metz car il fera 6. Vézouze, à ne pas confondre avec Vézouze. Ou pelouse, ou Vézoul. Merci beaucoup pour cette moule. Météo. Je n'ai plus de voix, excusez-moi. Ça y est, allez, l'insulter. C'est météo de mouette. Voilà, météo. C'est l'émission phare de cette matinale de 18h qui arrive avec les grosses fesses et nos invités et un public en folie. Et ça, c'est tout de suite derrière une trouvaille pour moi, puisque j'adore les trouvailles. Vous connaissez tous, sauf moi qui ne le connaissais pas et je suis content de vous mettre. Giving good vibes anytime that you rollin'. Can't believe that I found my sunshine. Hey, everyone's trying to be the same. Till I met you, I was on that wave. But you really are something different. You do you, it must be nice. And I think it's rubbing off on me. Oh yeah, step to the left, step to the right. You anytime that you own. Can't believe that I found my sunshine. Oh know this could be possible. Alright, but you really know something different. You do you, just work it out. And I think it's rubbing off on me. Oh yeah, step to the left, step to the right. Lion Pain Sunshine. La matinale de 18h, l'émission qui est Bujan. Merci pour votre fidélité pour cette émission des grosses fesses avec autour de cette table et devant un public garni. Nous avons Jocelyn et James. Comment allez-vous les amis ? C'est le délire absolu ici. Hein. Je peux vous c'est dire que la l'ambiance est incroyable. Incroyable. Des gens essayent de m'enlever mes vêtements. C'est... Oh, voilà. Oui. Le nombre de selfies que vous avez fait depuis tout à l'heure, c'est formidable. Wow. Le succès de cette émission est vraiment fulgurant. Je sais. Et donc, je rappelle au public, n'hésitez pas à rire, même quand c'est pas drôle. Exactement, c'est comme ça qu'on dit. Riez. C'est qu'est-ce que je disais. Allez, on passe tout de suite à la première question, parce qu'on est là pour répondre à des questions, hein. On a quand même des grosses fesses sur la table. Par qui va être racheté l'AS Nancy-Lorraine ? Puisque vous savez que l'AS Nancy-Lorraine a été rachetée il y a un an, et elle est déjà à vendre, vu les résultats pourris. Il faut le dire. Alors, qui aurait pu racheter ? Oui, allez-y. Jeff Bezos. Ah non, c'est une institution européenne d'ailleurs. C'est même pas une personne à proprement parler, c'est une institution européenne. Patrimoine de l'UNESCO. Non, c'est pas patrimoine de l'UNESCO. C'est mais pas un truc de traitement des déchets. Filou. J'étais plus sur le patrimoine de l'UNESCO. Ah, en fait, c'est un tout petit pays et c'est la banque de ce tout petit pays et ce tout petit pays est bourré de patrimoine de l'UNESCO. Le Vatican. C'est la banque du Vatican qui va racheter l'AS Nancy-Lorraine parce qu'on a trouvé, une institution, hein, en l'occurrence la banque du Vatican, qui croit encore au bon Dieu et qui se dit que c'est encore possible de sauver l'AS Nancy-Lorraine. Et oui, mais oui. C'était évident pourtant. Mais c'est côté spirituel. C'est la réflexion que j'avais eue. Je m'étais dit, il n'y a que eux. Ben voilà. Et ça sera un bel hommage à un ancien président de football, Pape Diouf. Ah, oh, elle est belle. On passe tout de suite à... Oh là là, je m'applaudis pour cette vanne incroyable. Oui, bravo, vous faites bien et tout en étant repris par le public en cœur. Deuxième question, tenez-vous bien. Quelle est l'audience de la matinale de 18h sur Fatchet? Alors moi, je sais que je n'écoute pas. Je ne pense pas que... est-ce que vous pouvez lever les mains ceux qui écoutent ici? Bon, donc pareil, ici, il n'y a personne qui écoute. Personne n'écoute. Ouais, c'est, effectivement, il y a un piège. Je crois qu'il y a en post-prod, il y a des gens qui écoutent pour savoir si tout est bien. Oui, mais ils n'écoutent pas en direct. Oui, ah non, direct. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Moi, je dis... Je sais que mes parents n'écoutent pas, parce que c'est vrai que mes parents ils m'ont dit arrête de nous, de nous embêter avec les liens là. Des trucs. Ouais, comme quoi c'est nul et complètement pourri. Ouais. Enfin, moi c'est mes parents qui m'ont dit ça. Voilà, donc du coup je dirais qu'il y a. Allez. Le chiffre c'est qu'on doit donner un chiffre. Un chiffre, oui. Le nombre d'auditeurs sur la matinale de 18h. Je dirais 8. Moi je dirais maximum 100 000. Eh ben écoutez, c'est 7. C'est 7 auditeurs. Ouais, c'est 7 auditeurs. Et bah, t'avais raison. Ouais, voilà. Et je vais demander à ces 7 auditeurs qui sont en voiture de klaxonner, juste pour qu'on puisse vous repérer. Et voilà, de ne pas hésiter à liker la page Facebook. Qui n'existe pas encore. Bah en plus, d'autant plus qu'elle n'existe pas encore. Voilà. Et notre but, hein, c'est de battre ce record et la semaine prochaine d'être à 8, du moins dans 15 jours, hein, puisque dans une semaine, c'est la voisinade animée, entre autres, par Guélone. Alors là, je vais vous faire entendre un bruit. Je vais essayer d'y arriver et. Hop là, attendez, je vais éteindre lui et. C'est dommage, je me disais, on entend bien le. Voilà. Où sommes-nous ? Est-ce que vous entendez bien ? C'est du direct ? Ah non, alors non. Non, bonne question. Non, c'est pas du direct, ça a été enregistré hier en séance plénière. Je dirais un parc. C'est un parc nancéen ? Ah, on n'est pas du tout sur du parc. C'est ça le truc. Non, c'est beaucoup plus institutionnalisé comme ambiance. Est-ce que ça a un rapport avec une actualité politique ? Oui. Aïe. Est-ce qu'on serait pas dans le débat présidentiel ? Alors pas vraiment. Sortez de cette dimension nationale quand même. On est au-delà du national. Ah d'accord. On est par exemple à l'Assemblée européenne. Et oui, c'est ça. C'est l'Assemblée européenne. C'est ça à Strasbourg. J'ai cru reconnaître la voix d'Angela Merkel. C'est ce que je me suis dit aussi, mais c'était pas possible. C'est Angela Merkel qui n'est pas députée européenne. Mais elle est au Parlement. C'est elle qui sert les plats à la cantine. C'est elle qui. Ah, je ne savais pas. Absolument. Oui. Elle s'est reconvertie là-dedans. Oui. Ok. Mais là, elle a la tête de l'emploi aussi. Elle fait un excellent duo de pâtes. Donc bolognaise carbonara, oui. Et ben écoutez, si vous le savez, si vous êtes à Strasbourg et pas loin du Parlement européen, profitez-en, demandez un duo de pâtes et vous aurez l'occasion de pouvoir goûter cette spécialité d'Angela Merkel. Merci beaucoup pour ce conseil culinaire, mon ami James. Et on attaque tout de suite la fin de cette émission avec l'invité showbiz qui va arriver. Et c'est une surprise, je ne vous en dis pas plus sur le nom de cet invité. On envoie tout de suite... 1, 2, 3, Salaï, Abdelkader, à tout de suite. وعبد الله خلتني في حيرة هيدا العشرة طويلة وعمل الغادر يا أبو ألم ديغ الحيل عليا وداوي حالي يا أبو ألم زيني وروف عليا Un, deux, trois soleils, Abdelkader. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjen. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjen. On vous avait promis du lourd avec un invité showbiz de surprise, c'est vraiment la surprise de cette émission. Je laisse Jocelyn vous la présenter. C'est non, pas Jocelyn, c'est moi, mais c'est je peux James. Imiter Jocelyn. C'était James qui devait quand présenter. Voilà, après, chacun veut dire. Non, Jocelyn va justement laisser sa place à cette star absolue ouais. du monde du vapotage. On va parler vapoteur. C'est un... Comment on... Alors, voilà, c'est Smoky Dog, voilà, merci, il s'installe. Alors, Smoky Dog, bonjour, d'abord, vous êtes quoi, on peut dire Smoky Dog, Smoke Session, ouais, sculpteur en fumette, tout ce qui va être vapo, fumette, sculpture, c'est moi. Voilà, donc pour que nos auditeurs comprennent bien, en fait, ce que vous faites, Smoky Dog, c'est qu'en fait, vous vapotez et avec les éjections de fumée, vous, en fait, vous sculptez des différentes choses. Qu'est-ce que en vous faites En fait, tout bêtement, voilà, je recrache la fumée, ça fait quelques constructions, quelques sculptures, bien sûr. D'accord, et c'est quoi, par exemple, vos grands classiques Ma grand classique, c'est la cathédrale de Paris. Bon, voilà, ça, c'est le classico, c'est ce qu'on me demande à chaque fois. Et ah ça oui, part Notre-Dame. En fumée, mon pote. Ah, Notre-Dame, ça part en fumée, d'accord. Ah, je pensais que c'était pendant l'office avec l'encens, que c'était vous qui faisiez l'encens pendant l'office. Ah non, t'as pas compris, man. C'est Pardon. Vraiment la cathédrale que je fais en fumée, c'est de manière éphémère. Voilà. C'est assez d'accord. beau, hein. Il va peut-être nous faire une démonstration, tu peux nous faire une démonstration, bien sûr, là man. Oui, en direct de Fadjet. Waouh, alors là, vous ne voyez pas, il a fait le visage de Tristan, c'est magnifique. Ah c'est ouais. absolument magnifique. Mais c'est éphémère. Waouh! Ah, c'est éphémère! Ah, ouais. Ah, c'est éphémère! Ah, c'est éphémère, d'accord. D'accord, ok. Bah, ça part, très joli, ça part à volo. Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'on vous a déjà demandé des choses un petit peu insolites, un petit peu. Voilà. Je fais les baptêmes, bar mitzvah, donc là, c'est déjà très insolite. J'ai déjà fait. Ah, oui, c'est insolite, ça. Ah, oui. On a trempé des enfants dans de la fumée, on a. Voilà. Ah, d'accord. On a baptisé, on a la baptisé. Fumée divine. C'est ça, c'est la fumée div. Ah, la c'est là, mais je m'appelle Smoky Dog. Smoky Dog. Et est-ce que ça vous arrive parfois de faire votre art en imitant un rappeur célèbre ou pas du tout? Bien sûr. Bien, j'ai déjà imité Bedeza. Bien sûr, j'ai déjà fait un petit peu le logo Uncut. Bah après, bah, voilà, c'était pour une campagne. Incroyable. Incroyable, c'est exclusif. Bien sûr. Je suis sidéré, excuse-moi, je n'enchaîne fou, pas hein. parce que là, je suis sidéré. Ah ouais, non, mais là, ouais, on a quand même la chance hein, d'accueillir un tel talent. D'ailleurs, moi, c'est Smoky Dog, la Smoke Session à Parc de la Pépinière. Venez me retrouver, hein, je vais vous faire les plus belles structures, les plus belles sculptures que je puisse faire. Oui, d'ailleurs, oui, donc effectivement, c'est ce dimanche c'est à la Pépinière. Ce dimanche, 15h. 18. Donc voilà, mais ce que je vous propose, c'est que tous ceux qui veulent voir Smoky Dog, vous allez dimanche à 15h à la Pépinière. Ouais. Smoky Dog pour la smoke, et puis, au pire, s'il est pas là, vous pouvez parler entre vous, genre ah t'as vu c'est marrant, on s'est retrouvés, on écoute tous les deux la même émission, parce que vous serez probablement que deux. Mais voilà, c'est en tout cas sympa. Merci Smoky Dog, merci beaucoup. Voilà, on a beaucoup appris aujourd'hui encore voilà. une fois. C'était Smoky Dog. Smoky. On arrive à la fin de cette émission. Il reste encore le jeu de l'auditeur, mais ça c'était sans compter sur le choix de Jocelyn, puisque Jocelyn. Tu nous as demandé du White Stripes. Oui, monsieur. Oui, Tristan, je t'ai demandé du White Stripes. Et comme White Stripes. Comme la bibliothèque de Fadjet est sans commune mesure avec la bibliothèque Mitterrand de Paris. On a White Stripes. Of this plan, as humble as I can, I'll wait another day before I turn away. But know this much is true, no matter what I do, offending every way, I man. Sometimes I think I can, but how much can I think? I'll speak until I break with every word I say, offending everywhere. To relax and listen to these facts, that everyone's my friend and will be till the end. But know this much is true, no matter what I do, no matter what I say, offending every way. White Stripes, often and every way. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. Pas tant que ça quand même. Et c'est le jeu auditeur, parce que oui, sur Fadjet, on fait gagner des gros lots et des cabas, puisque c'est le cabas Fadjet où on appelle tout de suite. Ah, j'entends qu'on a l'auditeur déjà en ligne. Allô ? Ah oui. Allô ? Oui. Gérard Chaussois. Gérard Chaussois, oui, c'est moi. Gérard Chaussois, c'est vous. Est-ce que vous savez qui vous appelle ? Je suis en direct. Je suis en direct. Ah, vous savez déjà qui vous appelle alors ? Non. Non ? Bah, alors, je me dis qu'il y a une musique, il y a un bête. Attendez, je vais vous faire entendre une voix. Vous allez voir si vous la reconnaissez. Bonjour, c'est moi. Ah, c'est la matinale de 18h, oui, c'est la matinale de 18h, vous avez reconnu. Eh non, bah oui, la voix de James. La voix de James. Je vous enverrai une photo dédicacée, Gérard. Adorable. Et du coup, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ? Ah non. Ah bah le cabas oh, de Fadjet. Oui, bah oui, le cabas de Fadjet. Oh, mais en plus, j'ai suivi toutes les émissions. Ah, bah alors, vous savez quelle est la composition du cabas de Fadjet ? Alors, oui, bien sûr. Un porte-savon bleu. Oui. Il y avait un vidéoprojecteur HS. Oui. Un autre porte-savon d'une autre couleur. Ah oui, celui-là, il est blanc devant et marron derrière. Tout à fait. Et il me semble qu'il y avait un chauffage au fioul marchant uniquement le lundi de semaine pluvieuse. Voilà, tout à fait, bravo. Pas peu dire, bravo. Ah, merci les gars, ça fait plaisir. Ouais, c'est vraiment, on pensait pas que... Oui, j'ai... Le public de la rue est venu en même temps pour vous applaudir. On pensait pas que ce cabas serait gagné un jour, mais parce qu'il était assez compliqué. Mais vous avez appelé la bonne personne, hein, tout simplement. Moi, je prends des notes. Hein. Et vous suivez ça vraiment. C'est vraiment un auditeur fidèle. Hein, ouais, Gérard. Ouais. C'est l'auditeur fidèle, d'ailleurs. Exactement, je crois, c'est lui. Il fait partie des 7. Mm-hmm. Les 6 sont plutôt timorés. Voilà. Je crois que c'est timoré le terme. De ci devenant. Merci beaucoup. Vous restez en ligne après pour qu'on prenne vos coordonnées. Ah bah formidable. Et qu'on vous livre ça. Merci. Merci les gars, vous êtes top, bougez pas. Du coup, on va redémarrer un nouveau cabas avec dedans, et bah, je mets un Minitel. Voilà. Ah oui, un Minitel. Intéressant qui, ça. Qui peut toujours servir et essayer voir s'il marche encore. Je peux mettre quelque chose aussi ? Ah, mais bien sûr, allez-y. Ah oui, j'aimerais mettre aussi. Ouais, je vais mettre tout simplement mon t-shirt. Voilà. Le t-shirt de James. Alors, un Minitel, le t-shirt de l'émission torse nu, moi. C'est voilà, lourd. Donc, dans 15 jours, le Minitel et le t-shirt de James. Je peux mettre quelque chose moi aussi, comme ça, je me suis dit, ça fait du bien, non ? C'est cool. Ah, ça fait du bien, ouais. Moi, je mets des currywurst. Des currywurst. Ouais. Le currywurst de Jocelyn, le t-shirt de James et un Minitel. Je me demandais pourquoi t'avais ça dans ta poche depuis tout à l'heure. Mais c'est parce que je me suis dit, bah ça c'est pour le cabas, c'est sûr. C'est ça. Le Currywurst. Merci beaucoup, c'était le cabas de Fadjet. Et on arrive déjà à la fin cette émission. Ça passe vite parce qu'on est déjà à notre quatrième pilote, troisième émission. C'est comme si on était... On commence à se connaître là, ça y est. Ouais, on commence à être moins mauvais, je trouve. Hein ? Même bon. Pas jusque là non plus. Mais il y a des bonnes musiques. Il y a la bonne musique. C'est ça qui est bizarre. Les jingles sont sympas. On se retrouve dans 15 jours. Je sais pas combien ça fera dans 15 jours. 14 et 15, 29. Ouais, ça doit être le 28. C'est le 28 en fait, parce qu'il y a que 14 jours. Mais oui, c'est ça, c'est le 28, voilà. Parce qu'il y a que 7 jours par semaine. Bah... 14 et 14, 28. C'est un abus de langage de dire 15 jours 28. Finalement. Donc on se retrouve le 28 avril à 18h si vous voulez nous suivre. Et dans une semaine, c'est. La voisinade avec Camille, Mélie, Guélon, et puis encore quelqu'un que je ne connais pas, mais il vous apprendra à connaître. Et voilà, les écouter. Ciao tout le monde, à bientôt. Bisous. Merci au public, ciao. Merci à vous tous.